Ménopause. Tu finiras seule. Les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes. Tu es trop vieille pour te recaser. Tu n'auras plus jamais d'enfants. Fin juillet 1990, Faustine déambule dans les rues de Lausanne. Tout en inspectant les vitrines des librairies, elle réfléchit. Non pas au sens de sa vie, elle n'en est pas encore là, mais à la direction qu'elle aimerait lui donner. Elle se sent riche de ce potentiel de temps, tout en ayant conscience qu'il peut lui être retiré à tout moment. On ne connaît ni le jour ni l'heure de sa mort, disent les sages. C'est donc maintenant que ça se passe, aujourd'hui qu'elle doit saisir cette seconde chance. Carpe diem. Mais d'abord, se reconstruire. Maxime lui a suffisamment suriné qu'elle ne valait plus un pète-lapin sur le marché de l'amour pour qu'elle se fasse une raison. Elle n'espère donc plus. Oh, bien sûr, ça lui fait mal au ventre, parfois, de croiser un couple qui s'embrasse, un autre qui pousse un landau. Nostalgie quand tu nous tiens. Finalement, tout ça, c'est beaucoup de bruit pour rien, ainsi que l'écrivait ce cher William Shakespeare. Et puisque de toute façon la vie, ça finit mal, autant ne plus rien en attendre. Désormais, elle se comportera en femme ménopausée. Après tout, vivre seule n'est pas si terrible dès lors qu'on s'entend bien avec soi-même. En fuyant le domicile conjugal, elle a gagné sa liberté. Pour rien au monde, elle ne voudrait se retrouver à nouveau sous la coupe d'un mâle dominateur. De toute façon, l'homme qu'elle rêverait d'avoir à ses côtés, intelligent, drôle, beau, humble, prévenant, cultivé, mélomane, cinéphile, féministe, gentil et respectueux, n'existe pas. Ma fille, sors-toi cette utopie de la tête. Laisse tomber tout de suite. Passe à autre chose. On vit très bien sans tous ces accessoires. Salut Fifi, tu as lu les journaux récemment? Téléphone maman. Pas eu le temps. Figure-toi que je viens de découvrir que l'OMS a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Ça date du mois de mai, c'est pas vieux? Quoi? C'était sur la liste des... C'est incroyable! Bah c'est pas trop tôt. Elle rit. Voilà qui va faire plaisir à ton cher patron. Il se sentira moins cinglé. Depuis toujours, maman soupçonne son patron d'en être. Selon elle, c'est pour cela qu'il a des réactions de femmes jalouses à son encontre et des attitudes de femelles frustrées. C'est plus dire que directrice et curé se détestent cordialement et que le feuilleton quotidien des événements du centre est émaillé de lancers de peaux de baleine et de tirs chargés. Le tout vécu avec une mauvaise foi crasse, de part et d'autre, semble-t-il. Faustine rappelle épisodiquement à sa tendre mère que lorsqu'elle s'est absentée 6 semaines pour sa cure de désintoxication alcoolique à la métairie, Monsieur l'abbé s'est montré très compréhensif. De plus, il n'a jamais trahi la vraie raison de son absence, alors qu'il aurait pu le faire, s'il avait été si salaud que cela, vu qu'il la connaissait parfaitement. Oui, c'est vrai. Dans l'absolu, maman n'a rien contre les homosexuels, mais dans le cadre d'un centre universitaire, elle craint beaucoup pour la vertu de ses chers et jeunes étudiants. Monsieur le curé a l'habitude de donner des cours particuliers à certains d'entre eux, avec une nette préférence pour les Asiatiques. Maman, en tant que directrice, est supposée veiller à la sécurité des jeunes gens qu'on lui a confiés, même s'ils ont largement dépassé l'âge de la puberté et peuvent dès lors être considérés consentants. En clair, la situation n'est pas simple. Le 2 août, coup de tonnerre dans le ciel lausannois. Saddam Hussein envahit le Koweït. Prévoyant d'ores et déjà les problèmes d'approvisionnement en pétrole et donc un ralentissement dans le cours de ses affaires, Zézé convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire. Les discussions sont déjà bien engagées quand Faustine franchit la porte. Sitôt qu'il en a terminé avec ses stratégies et qu'elles sont seules, Zézé explique à Faustine. Vous comprenez, si Saddam s'en prend également à l'Arabie Saoudite, ce qu'il est tout à fait capable de faire, il possédera à lui tout seul 40% des réserves mondiales de pétrole. Il faut à tout prix empêcher cela. Et comment? Et qui? Les Américains, évidemment. Je ne leur donne pas 3 jours pour intervenir. Et de fait, dès le 7 août, 35 pays mettent en place l'opération Bouclier du désert. Ils ont tous chaud aux fesses. Les médias ne parlent plus que de cela. Quelle galère! Faustine constate qu'à partir de là et jusqu'à la fin du conflit, tout ce qui arrivera le sera par la faute de Saddam et à cause de la guerre du Golfe. Toutes les dérives seront autorisées et les belligérants ne reculeront devant aucune manipulation pour renforcer leur pouvoir sur l'annexion des sources d'énergie. Les débuts difficiles de Faustine sont oubliés, bien qu'il reste encore 2 ou 3 petites choses qu'elle peine à accepter. Par exemple, les réunions de travail à 7 heures du matin, alors qu'on ne fiche plus rien ensuite jusqu'au soir. Ou encore débarrasser les visiteurs de leurs manteaux. N'ont-ils pas appris à se déshabiller tout seuls, ces messieurs? Maman lui explique qu'en Suisse, cela fait partie de l'accueil. Il n'y a pas d'orgueil mal placé qui vaille. D'ailleurs, elle-même s'y plie, toute directrice qu'elle soit. Zézé, par ailleurs, a vite compris que sa nouvelle secrétaire ne vaut rien en ce qui concerne la prise de procès-verbaux en sténo. Désormais, il prend les notes lui-même et lui transmet le résumé à taper. En contrepartie, Faustine prend l'habitude d'apporter son merveilleux cake anglais les jours de réunion importante. Ces messieurs apprécient. Les premiers temps sont occupés à installer le suivi des comptes bancaires, ainsi que les comptes dédiés à chaque projet sur l'ordinateur. Créer des tableaux sur Word 5 n'est pas évident. Faustine a demandé à Zézé de lui procurer un ordinateur un peu plus moderne, mais il prétend que celui qu'elle utilise l'est. Pour quelqu'un qui sort du BM, il n'a pas l'air très au courant. Enfin, Faustine finit par trouver un mode d'emploi chez Payot. Elle passe quelques soirées à le potasser, et à partir de là, tout devient ludique. Additionner la colonne 4 avec la 5, puis soustraire la 3, et diviser par 6, il suffit de donner la formule à l'ordinateur et le travail se fait. Faustine adore installer, organiser, calculer, administrer, agencer, harmoniser. La secrétaire en apprend beaucoup sur le monde de la finance. Les lignes de crédit, les intérêts cumulés qui remplissent les poches des banquiers, l'argent qui travaille, tout cela la fascine. Elle passe des heures jouissives, surtout quand Zézé est en rendez-vous à l'extérieur, ce qui, heureusement, arrive très souvent. Trop souvent, peut-être. Car entre 2 travaux, dès lors que tout est installé, il lui arrive de s'ennuyer un peu. Si elle avait su, elle aurait racheté à Sophie l'oreiller que celle-ci avait planqué dans un placard et récupéré en partant. Le canapé du salon d'accueil est très confortable pour de courtes siestes. À midi, inutile que Faustine redescende au boulevard de Grancy. Maman n'a pas du tout l'intention de cuisiner. Fifi reste au bureau et pique-nique sur le balcon. Au soleil, sitôt qu'elle est seule, elle écoute la radio et retrouve ses émissions préférées sur FIP. C'est très rigolo d'apprendre que le périphérique est bouché à hauteur de la porte d'Italie lorsqu'on est à l'abri dans son bureau lausannois. Malgré les lourds nuages politiques, tous s'apprêtent à partir en vacances dans la première quinzaine d'août. Zézé et Madame vont à Sainte-Maxime, où ils se sont fait aménager un bel appartement dans la résidence qu'ils transforment. Faustine et maman, quant à elles, partent en croisière sur le Rhin. Elles vogueront entre Bâle et Amsterdam. André, lui, reste au boulevard et garde la maison. À son âge, il n'a plus envie de bouger. Il est très reconnaissant que Fifi prenne la relève pour balader sa femme qui n'en a pas fini d'explorer le monde. Faustine se prépare au départ le cœur léger. Le plus dur est derrière. Les cadres sont posés. Elle est confiante en son avenir. Cette croisière, initiée par maman, sera une première pour toutes les deux. Elles se réjouissent de ce plongeon dans l'inconnu. Il leur faut d'abord rejoindre Bâle et le port d'embarquement. Leur bateau, la Calypso, est de taille tout à fait raisonnable avec ses 2 étages. Ils ne seront pas plus d'une 50aine à bord en cabine double, sans compter le personnel. Le pont supérieur est spacieux, en partie couvert. On a disposé des chaises longues, des banquettes et des cendriers partout. De nouveau, les vacanciers francophones sont rares. La plupart des participants sont suisses-allemands. Le premier soir, l'inévitable cocktail de bienvenue est imposé. Faustine constate une fois de plus à quel point il est difficile d'être abstinent dans un monde de buveurs. C'est la croix et la bannière pour obtenir de l'eau ou une boisson sans alcool. Pourtant, le choix existe, elle le sait, tant dans les vermouths et les bières sans alcool que dans les cocktails de fruits. Mais on dirait que ce passé d'alcool ne suffit pas. Il faut en plus en être réduit à l'eau plate et au jus d'orange fadasse. Mère et fille font contre mauvaise fortune bon cœur. Leur verre d'eau tiède à la main, elles déambulent, naviguant entre les écueils des questions indiscrètes à propos d'alcool. Encore vulnérables, elles n'ont pas envie de justifier les raisons de leur abstinence. L'autre désagrément, pour Faustine du moins, c'est l'incontournable « Vous avez des enfants ?» Afin de se garantir un minimum de tranquillité, Faustine avait conservé son alliance, sans penser que, bien sûr, qui dit mariage dit enfant. Vu qu'elle a largement dépassé la trentaine, il paraît anormal qu'elle passe ses vacances avec sa maman. Elle se sent presque obligée de donner une réponse, ou pour le moins une vague explication, ainsi que l'y invite le regard inquisiteur des passagères, qui craignent surtout pour leur époux, on l'aura compris. On en revient à l'éternel dilemme, comment décrire en un mot une maman orpheline. À ces détails près, la croisière est un enchantement. La Calypso vogue au milieu de vignobles surplombés de châteaux forts. Qu'ils soient demeures seigneuriales, châteaux défensifs, péages, protection des voyageurs, tous avaient leur fonction, dixite le guide. En soirée, il leur raconte les légendes de ce Rhin romantique, tant vanté par les poètes germaniques. De Strasbourg à Mannheim, Rüdesheim et Coblence, point phare du parcours avec le célèbre rocher de la Lorelei, cette sirène à la voix si troublante qu'elle faisait chavirer les bateaux, chaque hameau a son histoire. Aux escales, mère et fille se baladent avec plaisir dans les petites villes allemandes qui bordent le fleuve. Manifestement, les autorités ont bien fait leur travail en empêchant les promoteurs immobiliers de tout dénaturer. Au terme du périple, on prend le car jusqu'à Bâle, puis le train jusqu'à Lausanne. Quel bonheur de retrouver son lit !